On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. Il y avait deux compétitions au cours du week-end. On en parle avec David Simard. Salut, David. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tu avais pas mal d'actions en fin de semaine pour toi? Oui, il fallait se dédoubler. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans deux ce temps-là? compétitions en même temps, mais... Vous en avez quand même Ah, plusieurs, ben, j'imagine? dans le fond, le championnat québécois qu'on avait et le championnat canadien, dans le fond, moi, je m'occupe de la région. Fait que pour le championnat canadien, moi, je m'occupe de les patineurs de la région. Donc, c'est la plus grosse compétition. Puis sinon, c'était les entraîneurs des clubs qui allaient là, à l'autre. C'était par catégorie d'âge. OK. Fait que tous les patineurs un peu Saint-Hyacinthe, les entraîneurs de Chicoutimi qui étaient mandatés pour ces compétitions-là. OK. Donc, on va y aller maintenant avec ce qui s'est passé au cours du week-end à Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, on avait notre championnat canadien junior. C'était le plus gros championnat de fin de saison pour nos patineurs de catégorie junior qui n'étaient pas classés pour la qualification nationale qu'on a vue la semaine passée. Donc, on a quand même des très bons résultats à ce niveau-là. Donc, du côté féminin, si on parle du haut du lac, on avait Karina Momini. Donc, Karina Okay. Momini qui est arrivée au niveau des 1500, donc elle a réussi à se classer très bien. Ce qui lui a permis d'arriver troisième aux 1500 mètres dans la première journée. Donc, très belle performance pour elle. Et par la suite, est allée chercher une troisième place aussi aux 500 mètres. Donc, Okay. ce qui était très, très bon pour elle. C'est une belle compétition, elle a besoin de ça beaucoup. Puis ça lui a permis de faire des bons points. Sinon, elle a été disqualifiée au 1000 mètres, qui a pas pu faire la finale. C'est fait ça à ce niveau-là, mais pas sinon elle est arrivée quand même le quatrième au classement général à ce niveau-là, par 100 points d'écart. C'est assez serré pour le classement général des trois distances. Sinon, on OK. avait d'autres patineurs, mais qui promenaient plus de Saguenay là, qui étaient là. Donc, une quatrième, on avait une cinquième place tout derrière, une fille de Chicoutimi, là, Carina Victoria Garreau. Par la suite, c'était plus nos patineurs étaient plus dans les plus hauts niveaux dans cette compétition-là. On a OK. aussi une belle performance d'un petit gars. Justin Bergeron, il a réussi à gagner deux distances sur trois, dont la dernière était disqualifiée, mais ça lui a permis d'avoir remporté le championnat canadien Ça a parti, junior. Donc, le son a c'est un gars parti. d'hockey. Hockey. C'était Simon Dumas, tu parles? Non, lui, non, c'est pas Simon Dumont, c'est ce petit gars-là, c'est Justin. OK. Justin Bergeron, un petit gars d'Alma, il était joué dans la structure 3 à Alma anciennement, il joue chez la Bantam. Après, ça rendu à midget, il fallait prendre la décision d'aller. Pas Chicoutimi faire les camps, mais il a décidé de choisir le patinage de vitesse, qui est une bonne chose dans ce cas-là. Lui Ouais. faisait juste à 20, il faisait le patinage de vitesse pour amener son power skating, puis en fin de compte, OK. ça a changé vers le sport. Fait qu'il y a une belle performance pour lui. Là. En 2 ans, il a réussi à arriver quand même dans les plus hauts sommets au Canada à ce niveau-là. Par exemple, on avait des patineurs de Chicoutimi qui étaient derrière aussi, lui, puis une patineuse à la baie. Donc, c'était très intéressant comme compétition, bien l'action. Moi, je te disais que très belle compétition, nous a fait vivre bien des beaux moments. OK. Après ça, on avait une compétition. On pourrait aller au championnat québécois. Le championnat québécois, on avait plus de patineurs de plusieurs. La région était représentée au complet. Donc, c'était par catégorie d'âge. J'ai commencé par la catégorie d'âge en 11 ans. On avait des patineurs du Saguenay à ce niveau-là, dans cette catégorie-là. Moins de patineurs du Haut-du-Lac. On a eu des performances de troisième position. Pour Mégane Lavertu, des Anikem Boivin de la Baie qui est arrivée septième. Finalement, Alicia Fortin, dixième, et une Lily Rose de Tanguay, de Saint-Félicien, qui est arrivée 12e. Donc, c'est une très belle catégorie. Puis, la compétition-là aussi, chose de note importante à noter, c'est les 5 ou 7 premiers par catégorie, dépendamment des places qui sont disponibles, pour qu'en taille une place pour les championnats canadiens, en fait, de l'Est du Canada, qui est dans 2 semaines. Donc, c'était intéressant. Dans la OK. catégorie 12 ans. On avait d'autres patineuses aussi à ce niveau-là. De Saint-Félicien, on avait Keira Pagé. J'ai toute la misère de son nom, désolé. 12 ans. Donc, elle a terminé 10e au classement général. Saint-Félicien est très bien représenté chez les jeunes. Puis ça me fait plaisir parce que c'est un petit cru qu'on avait. Puis là, quand on commence à l'atteindre à ce niveau-là. Dans les autres catégories, on avait chez les 14 ans, on avait une patineuse. Excusez-moi, désolé, c'était vraiment dans la catégorie masculine. Donc, au niveau masculin, on avait d'autres patineuses qui était représenté, dont Simon Simard de Saint-Félicien, qui a terminé 16e dans la catégorie 12 ans. Très bonne performance pour lui. Je pense que c'était une première grosse expérience. Il était sûrement stressé. J'ai pas parlé encore à son entraîneur, mais j'ai hâte de savoir les petites nouvelles à ce niveau-là. Je le vois ce soir, justement. Et dans la catégorie 14 ans, on a une très belle performance d'Alexandre Simard. Donc, un petit gars, on avait parlé 2 semaines ensemble. Alexandre est en progression, une nette progression. Il a réussi à gagner quand même le 500 mètres. Quand c'était une place au 100 final au 1000 mètres, il est arrivé 4e. Au total, j'ai mis une 3e position. Même chose au 1500 mètres, il est arrivé 2e. 3e position, pour lui, c'est très bon. C'est son meilleur résultat de l'année. Lui, ça lui met une place au niveau championnat canadien. Puis une bonne chance de médaille pour lui. Dans cette catégorie-là, je sais qu'on domine même à ce niveau-là. Puis aussi, dans la même catégorie, on avait Louis Moisan, 14 ans, de Saint-Félicien, qui lui est arrivé 12e dans la même catégorie. Puis sinon, on n'avait pas d'autres patins de Saint-Félicien là, dans les autres catégories, ou de Robertval, ou de Saint-Félicien, ou de Delbourg. OK. Ben, David, j'arrête de terminer pour mes résultats. On va se parler la semaine prochaine? Oui, sans problème. Voilà, David Simard, collaborateur de patinage. Ben, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui, effectivement. David Simard, collaborateur de patinage de vitesse sur Côte.